Bonjour et bienvenue, c'est Nothing But The Blues, aujourd'hui le numéro 285. Alors ce numéro, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, il va être entièrement consacré donc au festival Make Love Terre de Blues et on va un petit peu faire le tour des artistes qui vont jouer à ce festival. C'est le 6 et le 7 septembre prochain. Make Love, c'est un petit village mosellan qui est proche de Metz et qui est proche, pour ceux qui connaissent les Emmaüs de Metz, proche également de ce lieu. Donc, très accessible pour les gens qui viennent de la région de Nancy, Strasbourg. Pour les autres, ils vont franchir, on va dire, le contournement, ça ne pose aucun problème. Et donc, l'affiche, on va l'écouter. On va commencer avec un groupe qui va faire... Il y aura deux groupes chaque soirée pour faire un entre-deux entre chaque groupe. Là, le groupe choisi, ce sont bien sûr des Lorrains, c'est un duo, il s'appelle Plim. Ils ont un CD de reprise de blues et on va les écouter dans Uchi Kuchi Men. Gypsy woman told my mother, for I was born. Got a bolt shots coming, a real son of a gun. Gonna make pretty women jump in south, and the world will know what it's all about. But you know I'm here. Everybody know I'm here. I got the black cat bone, I got the mojo too, got the jaw on the cockaroo, gotta meet with you, gonna make you girl, leave me by my hand, in the world. Seven months, seven doctors says that he was born for good luck. that you'll see. I've got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Everybody know I'm here. When I'm a hoochie-coochie man, everybody know I'm here. C'était donc le groupe Plim avec un album qu'ils ont sorti de reprise qui s'appelle Can't Find My Way Home. C'est au départ un duo, là ils étaient plusieurs pour enregistrer ce morceau, c'est d'ailleurs le dernier morceau de l'album. Et donc la programmation, elle va être chargée la première soirée avec un Louisianais qui s'appelle NDG Forrest. Il a un album qui s'appelle World Shadow and Ghost Notes. Et justement, on va écouter un premier titre, ça s'appelle World Shadows. You're the dancer in my heart. You're my rapids, you're my river, you're my waterfall. In my soul, you're my lover. You're my wife, stuck with me for the rest of your natural life. I know you dreamed of winning the lottery, but you don't know it's already happened to me. When I met you, oh baby, no one reminds me of you. And nobody will ever know much I love you. You're my lover, you're my friend. I'm gonna spend the rest of my days next to you. I know you don't think we live the life of kings and queens, but it seems like that to me. Now we're time-tested, we weathered the storm, forged in a foundry, tempered by fire and stone. Is that enough metaphor, yeah? Ooh, baby, deep inside you know it's true. These words are only shadows of how I feel about you. You're the dancer in my heart. You're my rapids, you're my river, you're my waterfall. In my soul. C'était donc NDG Forrest avec World Shadows. C'est son dernier album qui s'appelle World Shadows and Ghost Notes. Alors il sera donc au festival Make Love Terre de Blues, donc le vendredi 6. Et on va écouter encore extrait de cet album. Un deuxième titre, c'est Was That Me. I was sitting on the rooftop watching the sun go down. I'd had a few jobs, really thought I'd been around. I was only 17, and I wondered What's that mean? Yes, I wonder. What's that mean? Sitting in a hotel, watching the world go down. It's hard to judge, sitting on the edge of a sign. So peculiar. I wonder, was that man? Yes, I wonder, was that man? Sitting by the Mississippi, watching her flow along. I can feel the past like an out of earshot song. So peculiar. And I wonder, was that new? Yes, I wonder, was that me? C'était donc Andy G. Forrest qui sera donc le 6 donc au festival Make Love Terre de Blues. Alors, la programmation du 6, elle se terminera avec des Français qui aujourd'hui ont la grosse cote. Ils ont sorti un nouvel album, mais je me suis arrêté sur l'avant-dernier parce que l'avant-dernier, je ne l'avais pas beaucoup diffusé. La semaine prochaine, on diffusera le dernier. Et il contenait, pardon, de belles pépites. On va en écouter deux. C'est Daddy Has a Gun, le premier. Now I can't back up no more. I will have to C'était Malted Milk avec l'album Love, Tears and Guns. Vous venez d'entendre Daddy Has a Gun. Et toujours pour le festival Make Love Terre de Blues le 6 septembre prochain, on va écouter Branded by Your Love. C'était donc Malted Milk qui termineront la soirée du 6 donc septembre prochain, le Make Love Terre de Blues. Alors j'ai passé bien sûr un artiste qui jouera après Plim en ouverture, c'est Eric Starzan. Il a un projet qui s'appelle les Three Kings, c'est-à-dire un hommage à Albert King, Freddie King et B.B. King. Malheureusement, je n'ai pas de CD pour le diffuser. Alors, par contre, ceux qui suivent d'autres émissions que je programme, notamment 20 Flight Rock, retrouveront donc une bande originale de films rock'n'roll qu'a composé Eric Starzan. Donc, c'est une autre manière de parler encore du festival. Donc, le 6, donc ça se termine avec Malted Milk. Et le 7, le festival va ouvrir avec Mama's Biscuits. Mama's Biscuits, c'est un groupe belge, excellent. Ils viennent de sortir un album qui s'appelle Evil Ghoul et on va écouter un titre, c'est A Good Man Is Hard to Find. A good man is hard to find. You always get the other kind. And when you think that your man is your pain, look in fine, in falling rain with some other girl. And you rain, then hide your rage. You'd rather sit on me down in his grave. So if your man is nice, take my advice. Hug him in the morning, kiss him every night. Give him pretty love, try to make him run. Cause good man, this day shows how to find. Yeah, good man is how to find. You always get the other kind. And when you think that your mate is your fail, hey, look in fact, fooling around with some other girl. Then you're right, then high your rage. You'd rather see that man down in his grave. So if your man is nice, take my advice. Hug him in the morning, kiss him every night. Get him pretty low, try to make him right. Cause a good man, this day, shows how to fight. C'était donc le groupe belge Mama's Biscuits avec l'album Evil Ghoul et A Good Man Is Hard to Find. Donc ce sera le groupe qui ouvrira donc le Mayclub Terre de Blues le samedi 7. Et sachant que le groupe qui va faire les intercalaires entre guillemets entre chaque groupe, ça sera Never Too Late, un groupe messin. Alors après donc ce titre de Mama's Biscuits, on va écouter Evil Ghoul. Pockets and I feel you with misery. C'était Mama's Biscuit avec donc Evel Gaul, donc extrait de leur nouvel album. Maintenant, on va faire un petit tour en Finlande avec une personne que je connais bien, c'est Erja Littinen et son attaché de presse aussi, puisque c'est l'ancien attaché de presse de chez Roof et c'est moi qui l'avais conseillé de contacter donc ce festival. Erja Littinen, chanteuse et guitariste. On va écouter un album déjà ancien, il s'appelle Another World, et on va écouter Snake in the Grass. Standing on my own line, I got a full bucket in my hand, under a golden yellow sun, picking up berries one by one, not waiting for company, in the garden's harmony, above what is its nature, dangerous creatures, snake in the grass, snake in the grass. The grass, snake in the grass. A stranger came in here, I wanted it to disappear, but it's moving in, getting ready to disagree. Charming can be the tongue of a snake, whispering words that are fake, bring you back a memory. C'était donc Erja Littinen, la Finlandaise, pour donc le samedi 7 à Meklöf, Terre de Blues. Et l'album, c'est Another World. Et on continue avec Wedding Day. My wedding dress, no compromise. So replace you. Still time for a wedding gown. Ain't no time for slowing down. Get another fiancé who wouldn't do anyone but me. Had to run away from there, from the streets of Mayfair. C'était donc la chanteuse guitariste finlandaise ou finnoise, comme on voudra, Erja Littinen, donc avec son album Another World, et vous venez d'entendre Wedding Day, jour de mariage. Alors on continue avec un artiste qui vient d'Autriche, vous voyez, avec ce festival on va beaucoup voyager. C'est un organiste qui est mondialement connu. Et pour le festival, il a invité Charles Wright, qui a des références, puisqu'il a joué pour Bill Withers, Paul McCartney, Quincy Jones et beaucoup d'autres. Et puis, il aura comme guitariste le fameux Alex Schulz. Alors, on va écouter un album qui s'appelle Chicken Burrito, et extrait de cet album, Teeny Dog Blues. Thank you. C'était donc Raphaël Vresnig, qui sera donc, je le rappelle, le 7 Make Love Terre de Blues, ce festival pour lequel on fait la promotion aujourd'hui. Et donc ce Chicken Burrito, c'est l'album qu'on écoute. Et un dernier titre de Raphaël Vresnig, c'est One No Time. One more time. C'est donc l'organiste Raphaël Vresnig. Raphaël Vresnig, donc, qui est autrichien, qui va se produire avec une belle palette de musiciens. Alors, le dernier et le plus grand artiste pour ce festival de Make Love Terre de Blues, il nous vient des États-Unis. J'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois, une fois à Épinal et une fois à Luxembourg. Et je peux vous dire que c'est du costaud. Il s'appelle Sugar Ray Rayford. Et on va écouter donc des extraits de son album qui n'est pas le dernier, The World That We Live In, et on commence avec Take Me Back. Can you dig it? Wait a minute. C'était donc Sugar Ray Rayford, donc qui sera, je le rappelle, à McClove le 7 septembre prochain. C'est un samedi. Et on va écouter un deuxième titre de Sugar Ray Rayford qui va clôturer donc ce festival. Ça s'appelle What Do We Know? I was born in the wilderness, in a dry and thirsty land. Where I come from, people work hard all their lives until they die. C'était donc Sugar Ray Rayford avec What Do We Own. Et on va terminer l'émission et cette promotion de McClove Terre de Blues avec D16 at Little Deeper. Let me troubled water they roll up. Close the ears of my heart. All is broken and it's falling apart. It's falling apart. It's falling apart. Dig a little deeper down in your love. C'était Sugar Ray Rayford avec Dig a Little Deeper. Alors, je rappelle rapidement donc, la programmation de ce festival. Le 6 septembre, Plim, Eric Starzan et ses Three Kings, NDG Forest, Molten Milk. Le 7, Never Too Late, Mama's Biscuits, Erja Litinan, Raphaël Wrestling et Sugar Ray Rayford. Alors, pour plus d'infos, vous pouvez aller donc sur le site de Make Love Terre de Blues. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette émission. Quentin était à la technique. Eh bien, on vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau programme de Nothing But The Blues.